Chapitre 2e, une entrevue sérieuse. Il y a des gens qui aiment les entrevues sérieuses, surtout quand ils se croient le droit de donner des avis ou d'infliger des reproches. Peut-être l'archidiacre était-il l'un de ceux-là. Pourtant, dans cette circonstance, il ne goûta à l'avance aucun plaisir de la conversation qu'il allait tenir. Quels que fussent ses défauts, c'était un homme hospitalier, et il sentait qu'il manquait au devoir de l'hospitalité en réprimandant Eleanor, hôte temporaire de son foyer. De plus, il n'était pas assuré d'avoir l'avantage dans la discussion. Sa femme lui avait affirmé qu'il n'obtiendrait rien, et l'expérience lui avait montré que sa femme avait le jugement sûr. Néanmoins, il était convaincu à ce point de l'inconvenance de la conduite d'Eleanor, et aussi de l'obligation où il était de chercher à ramener sa belle-sœur dans la bonne voie, qu'il se serait fait scrupule d'accepter simplement l'avis de sa femme et d'aller se coucher tranquillement. Le visage d'Eleanor, quand elle entra, n'était pas pour lui rendre l'assurance. Elle était d'ordinaire douce et facile, mais il y avait alors dans ses yeux un je ne sais quoi qui pouvait faire hésiter à tenter la réprimande. Dans le fait, elle n'avait pas été habituée aux reproches. Dans son enfance et dans sa jeunesse, l'archidiacre seul avait essayé de la chapitrer, mais sans succès. Depuis son mariage, il s'en était abstenu. En la voyant entrer de son pas tranquille et assuré, il regretta presque de n'avoir pas suivi le conseil de sa femme. Il commença par s'excuser du dérangement qu'il lui causait. Elle le pria de n'y point faire attention, disant que ce n'était pas pour elle un dérangement de descendre quelques marches. Elle prit un siège et attendit patiemment l'attaque. « Ma chère Eleanor, dit-il, vous me croyez, j'espère, quand je vous affirme que vous n'avez pas un ami plus sincère que moi ?» Eleanor ne répondant pas, il continua. « Si vous aviez un frère, je n'aurais pas à vous ennuyer des observations que je vais vous faire, mais peut-être éprouverez-vous quelque satisfaction à savoir que vous avez près de vous un homme aussi soucieux de votre bonheur que pourrait l'être votre propre frère. « Je n'ai jamais eu de frère, dit-elle. « Je le sais, et c'est pour cela que je vous parle. « Je n'ai jamais eu de frère, répéta-t-elle, « mais j'ai à peine senti qu'un frère me manqua. « Papa a été pour moi un frère et un père. « Votre père est le plus tendre et le plus affectionné des hommes, mais... « Mon père est le plus tendre et le plus affectionné des hommes et le meilleur des conseillers. « Tant qu'il vivra, je n'aurai besoin des conseils de personne. » Cette déclaration causa à l'archidiacre un certain embarras. Il ne pouvait pas contredire sa belle-sœur dans ce qu'elle venait de dire de son père. Il ne pouvait pas non plus accepter absolument ses paroles. Il voulait lui faire comprendre que ce qui le poussait à lui offrir son assistance, c'était la faiblesse de caractère de l'excellent M. Harding et sa complète ignorance des usages et des exigences du monde. Mais il ne pouvait pourtant le lui dire. Il lui fallait donc entrer dans son rôle de conseiller, sans y être en aucune façon encouragé par Eleanor. Sans pouvoir espérer, la moindre reconnaissance pour un service qu'on ne lui demandait pas. « Susan me dit que vous avez reçu ce soir une lettre de M. Slope. « Oui, papa l'a apportée dans la voiture. Ne vous l'a-t-il pas dit ?»« Et Susan dit que vous avez refusé de lui faire connaître le sujet de cette lettre. « Je ne crois pas qu'elle me l'ait demandé. » Mais me l'eût-elle demandé, je ne le lui aurais pas fait connaître. Il ne me semble pas très délicat de questionner les gens sur les lettres qu'ils reçoivent. Si l'on veut les montrer, on le fait, sans attendre d'en être prié. C'est parfaitement juste. Mais que vous receviez de M. Slope des lettres que vous ne désiriez pas montrer à vos amis, n'est-ce pas là un fait qui doit exciter quelques surprises, quelques soupçons ? Soupçons, dit-elle sans élever la voix. Mais avec un ton d'indignation. Soupçon. Qui me suspecte et de quoi ? L'archidiacre ne répondit pas. Il n'était pas encore préparé à définir la nature de ses soupçons. Non, Dr. Grantly, je n'ai pas voulu montrer à Susan la lettre de M. Slope. Je ne pouvais la montrer à personne avant que papa l'eût vue. Si maintenant vous avez quelque désir de la lire, vous le pouvez. Et elle lui tendit la lettre par-dessus la table. Le docteur ne s'attendait pas à tant de soumission. Sa tactique en fut un peu dérangée. Néanmoins, il prit la lettre, la lut avec attention, la replia, l'a mis sur la table, tenant la main dessus. Pour lui, c'était absolument la lettre d'un amoureux déclaré. Elle lui semblait confirmer ses pires appréhensions. En la lui montrant, Eleanor avait voulu lui faire savoir que son bon plaisir était de recevoir de M. Slope des lettres d'amour. Le sujet réel de la lettre lui échappa, tant sa pensée était concentrée sur le mariage redouté. « Je vous serai obligé de me la rendre, s'il vous plaît, docteur Grantly. » Il la prit, sans faire le geste de la rendre. « Et M. Harding a vu ceci, » dit-il. « Naturellement. » La lettre était écrite pour qu'il la vît. Elle n'a rapport qu'à l'affaire qui l'intéresse. Naturellement, je la lui ai montrée. Et, Eleanor, pensez-vous que, dans votre situation, vous deviez recevoir une semblable lettre de M. Slope ? Pourquoi pas une semblable lettre ? Dit-elle, oubliant peut-être la malencontreuse mention des tresses soyeuses. Alors, Eleanor, il est de mon devoir de vous dire que je diffère entièrement de sentiments avec vous. Je le suppose, dit-elle, poussée par un instinct d'opposition, et décidée à ne pas se laisser vaincre. Vous voyez dans M. Slope un envoyé de Satan. Je le juge, moi, un prêtre actif et bien intentionné. Il est vraiment malheureux que nous ne pensions pas de même. Mais, puisque nous ne pensons pas de même, nous ferions mieux sans doute de laisser ce sujet de conversation. Ici, Eleanor se mit dans son tort. Elle n'aurait peut-être pas manqué à la convenance en refusant de discuter la question avec le docteur Grantly. Mais, ayant consenti à l'écouter, elle n'avait pas le droit de lui dire qu'il considérait M. Slope comme un émissaire du diable. Elle n'était pas justifiée à louer M. Slope, sentant que réellement elle n'avait pas de lui une opinion absolument bonne. Mais elle était blessée, irritée. Pendant toute la soirée, elle avait dû subir l'attitude injurieuse et l'interrogatoire de sa sœur et de son beau-frère. Personne, pas même M. Arabin, pas même son père, ne lui avait montré de bienveillance. Cette situation si pénible pour elle, elle en attribuait la cause aux préventions et à l'arrogance de l'archidiacre. Aussi, résolut-elle de lui faire ouvertement la guerre, de ne demander ni d'accorder merci. Il avait manqué de discrétion en la questionnant au sujet de sa correspondance, et elle était déterminée à le lui faire sentir. « Eleanor, vous vous oubliez, » dit-il en lui lançant un regard sévère. « Autrement, vous ne diriez pas que je regarde un homme, quel qu'il soit, comme un envoyé de Satan. Mais si, c'est ce que vous faites. Il n'est pas d'injure qui soit trop forte pour lui. Rendez-moi la lettre, je vous prie. » Et étendant la main, elle la prit. Il a fait tout son possible pour servir les intérêts de papa. Il a fait plus qu'aucun des amis de papa, et malgré cela, parce qu'il est le chapelain d'un évêque que vous n'aimez pas, vous parlez de lui comme s'il n'avait aucun droit à être traité en gentleman. Il n'a rien fait pour votre père. Je crois qu'il a beaucoup fait, et en ce qui me regarde, je lui suis reconnaissante. Rien que vous puissiez me dire ne saurait m'en empêcher. Je juge les gens par leurs œuvres, et les siennes, autant que je peux le voir, sont bonnes. » Elle s'arrêta un moment. « Si vous n'avez plus rien à me dire, je vous serai obligé de me permettre de vous souhaiter une bonne nuit. Je suis très fatiguée. » Le docteur Grantly croyait avoir fait tout son possible pour être gracieux envers sa belle-sœur. Il s'était efforcé de ne pas être raide et de retirer l'aiguillon de sa réprimande, mais il ne voulait pas qu'elle le quittât sans l'avoir entendu. « J'ai à vous dire quelque chose, Eleanor, qu'il faut bien que vous entendiez. Vous déclarez qu'il n'y a pas d'inconvenance à ce que vous receviez de M. Slope des lettres du genre de celles que vous tenez là. Susan et moi pensons tout différemment. » Vous êtes, naturellement, votre maîtresse, et si affligée que nous puissions être d'une séparation entre vous et moi, nous n'avons pas le pouvoir de vous empêcher d'y donner lieu. Si vous vous obstinez à rejeter les conseils de vos amis, vous serez libre de conduire vous-même votre vie. Mais, Eleanor, je puis au moins vous faire cette question. Monsieur Slope mérite-t-il que, à cause de lui, vous rompiez avec tous ceux que vous avez aimés, avec tous ceux qui vous aiment? Que voulez-vous dire, docteur Grantly? Je ne sais ce que je dois comprendre. Je n'ai jamais vu de ma vie de prévention si coupable. Ce ne sont pas des préventions, Eleanor. Je connais le monde depuis plus longtemps que vous. Monsieur Slope est bien loin au-dessous de vous. Vous devriez le sentir, je vous en prie. Songez-y avant qu'il soit trop tard. Trop tard? Ou, si vous ne voulez pas me croire, interrogez Susan, ou même consultez votre père. Il n'est pas prévenu contre vous. Interrogez Monsieur Arabin. « Vous avez parlé à M. Arabin de tout cela ? s'écria-t-elle en bondissant de sa chaise. « Eleanor, tout le monde à Barchester en parlera bientôt. Mais vous avez parlé à M. Arabin de moi et de M. Slope ?»« Certainement, et il est tout à fait de mon avis. »« De votre avis sur quoi ? Vous avez donc juré de me rendre folle ?»« Il pense, comme moi et comme Susan, qu'il est impossible que vous soyez reçue à Plumstead comme Mrs. Slope. » Nous n'essaierons pas de décrire le visage d'Eleanor quand elle entendit prononcer le nom de M. Slope comme celui qui lui appartiendrait ou pourrait lui appartenir un jour. Elle eut un regard que le docteur Grantly n'oublia pas de sitôt. Pendant quelques secondes, elle ne trouva point de parole pour exprimer sa colère et son dégoût. « Comment osez-vous avoir cette impertinence ? » dit-elle enfin, et elle se précipita hors de la pièce, sans donner à l'archidiacre le temps d'ouvrir la bouche. Elle eut peine à se contenir jusqu'au moment où elle atteignit sa chambre. Une fois entrée, et la porte fermée au verrou, elle se jeta sur son lit et sanglota, comme si son cœur allait éclater. Mais, même alors, elle n'eut aucune idée de la vérité. Elle ne se doutait pas que son père et sa sœur avaient pensé sérieusement à son mariage possible avec cet homme. Même alors, elle ne crut pas que l'archidiacre eût formé une conception si monstrueuse. Elle attribua à M. Arabin l'origine de cette accusation et en éprouva une colère furieuse et une humiliation insupportable. Elle ne pouvait admettre que l'imputation fût faite sérieusement. Il lui sembla probable que l'archidiacre et M. Arabin avaient parlé de ses relations fâcheuses avec M. Slope, que M. Arabin, naturellement porté à l'ironie et au sarcasme, avait suggéré l'invention de ce mariage odieux comme étant le moyen le plus injurieux et le plus efficace de flétrir ses relations avec leur ennemi à tous, et que l'archidiacre, s'emparant de l'idée, avait cru devoir la punir en lançant cette allusion. Mais ce qui l'accablait, c'était la pensée que M. Arabin eût pu rapprocher son nom de celui de M. Slope. Et la méchanceté qu'avait montrée l'archidiacre en lui répétant l'accusation portée contre lui fit presque désirer de quitter la maison dès le point du jour. Elle était bien décidée à une chose, rien ne pourrait la déterminer à prolonger son séjour au-delà de la matinée suivante, rien ne pourrait l'amener à prendre sa place au déjeuner avec le docteur Grantly. La pensée de l'homme dont le nom avait été attaché au sien la fit pleurer de dégoût. Si l'archidiacre avait prononcé cet horrible mot, c'est qu'il savait bien qu'il ferait naître en elle ce sentiment de dégoût, de honte, de vive douleur. Il voulait susciter une querelle entre elle et M. Slope, et avait cru y arriver en employant l'insulte. Elle saurait bien lui montrer qu'elle voyait clair dans ses manœuvres. L'archidiacre n'était pas plus satisfait qu'Eleanor du résultat de l'entrevue sérieuse. Il tira cette conclusion naturelle, que si Eleanor éprouvait tant de colère, ce n'était pas d'être soupçonné de ce projet de mariage, mais parce qu'on lui faisait un crime de ce projet. Cette union supposée lui inspirait du dégoût, et il ne lui vint pas à l'esprit qu'Eleanor se sentait outragée précisément parce qu'elle voyait avec la même horreur que lui le mariage dont on lui prêtait l'intention. Il alla retrouver sa femme, vexée et quelque peu attristée, mais toujours courroucée contre sa belle-sœur. « Son attitude, dit-il, a été mauvaise du commencement à la fin. Elle m'a donné à lire sa lettre d'amour comme si elle en était fière. Et elle en est fière. Elle est fière de voir cet homme cupide ramper à ses pieds. Elle se jettera dans ses bras avec tout l'argent de John Bold. Elle reniera son enfant, déshonorera son père et vous, et sera une femme malheureuse. » Mrs. Grantly, assise à sa toilette, faisait ses petites opérations sans répondre. Elle avait bien dit que l'intervention de l'archidiacre serait inutile, mais elle était trop bonne pour se donner la petite satisfaction de le rappeler au moment où elle voyait son mari profondément affligé. Tout le mal vient de la façon dont John Bold a fait son testament, continua-t-il. Eleanor n'est pas plus faite pour avoir la disposition d'une semblable fortune que ne le serait une enfant de l'école. Pas de réponse de Mrs. Grantly. Mais j'ai fait mon devoir. Je ne puis rien de plus. Je lui ai dit catégoriquement que je ne pouvais consentir à ce qu'elle fût un lien entre cet homme et moi. Désormais, je ne pourrai lui montrer qu'elle est la bienvenue à Plumstead. Je ne puis permettre que les lettres d'amour de M. Slope arrivent ici. Susan, il sera bon, je crois, que vous lui fassiez comprendre que ses intentions semblant être irrévocablement arrêtées, il vaudra mieux pour elle, comme pour nous, qu'elle retourne à Barchester. Mrs. Grantly était presque aussi irritée contre sa sœur que son mari, mais elle ne pensait pas à la renvoyer de chez elle. Elle parla enfin, et avec sa douceur caressante, dit à l'archidiacre qu'il se donnait bien inutilement tant d'embarras et de soucis. Elle lui déclara que les choses, si on les laissait aller leur cours, s'arrangeraient d'elles-mêmes. Enfin, elle réussit à calmer un peu l'irritation de son mari. Le lendemain matin, la femme de chambre d'Éléanor vint dire à la salle à manger que sa maîtresse, indisposée, ne pourrait assister aux prières et qu'elle déjeunerait dans sa chambre. Son père vint l'y trouver et elle lui déclara son intention de retourner immédiatement à Barchester. Il n'en fut pas étonné. Toute la maison pouvait savoir qu'il s'était passé quelque chose de fâcheux. On marchait sur la pointe du pied et il semblait que le craquement des souliers fût plus fort que d'ordinaire. Les femmes échangeaient des regards d'intelligence. Les hommes essayaient, mais en vain, de causer comme si rien n'était arrivé. Tout cela pesait lourdement sur le cœur de M. Harding, et quand Éléanor lui annonça que son retour immédiat à Barchester était devenu une nécessité, il se contenta de soupirer et lui dit qu'il serait prêt à l'accompagner. Elle s'opposa énergiquement au départ de son père. Elle désirait absolument partir seule. Elle voulait que l'on vît que son père n'était pas impliqué dans sa querelle avec le docteur Grantly. M. Harding céda, mais pas un mot ne fut prononcé au sujet de M. Slope, pas une question ne fut faite au sujet de l'entrevue de la soirée précédente. Il n'était disposé ni l'un ni l'autre aux confidences, sans savoir pourquoi. Éléanor lui demanda s'il n'irait pas voir l'évêque. Il répondit avec quelque aigreur qu'il n'en savait rien, qu'il ne croyait pas qu'il y allât, mais qu'il ne pouvait le dire encore. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Ils étaient malheureux tous deux et attendaient impatiemment l'un de l'autre un élan d'affection, un retour de confiance, une marque de ce sentiment si tendre qui les unissait d'ordinaire. Mais non, le père ne pouvait se résoudre à questionner sa fille au sujet de l'homme qu'il croyait être le prétendant de sa fille, et sa fille ne voulait pas souiller sa bouche en répétant le mot odieux par lequel le docteur Grantly avait excité sa colère. Il fallut alors organiser le départ. Elle pria son père de lui envoyer chercher une voiture. Mais Mrs. Grantly s'y opposa énergiquement. Éléanor pouvait partir irritée contre l'archidiacre, mais pourquoi la prendre au domestique et à tout le voisinage? Éléanor consentit enfin à se servir de la voiture de Plumstead, et comme l'archidiacre était parti immédiatement après le déjeuner pour ne revenir qu'au moment du dîner, elle consentit aussi à différer son départ jusqu'après le lunch. Quant au sujet de la querelle, il n'y fut point touché. M. Harding avait servi d'intermédiaire entre les deux sœurs. Quand celles-ci se retrouvèrent, elles s'embrassèrent tendrement et s'assirent l'une près de l'autre pour travailler à leur dentelle, comme si tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes.